Chapitre 10e, de dedans à dehors. 3 jours après le départ de Violaine pour le couvent de Muret, Godefroy revint à Toulouse. Selon les ordres de sa jeune maîtresse, il se rendit à l'hôtellerie des 3 rois mages et remit à Roselin le billet de la jeune fille. Belcoeur le lut avidement et poussa un cri de douloureuse surprise. « Malheureux enfant, murmura-t-il, pauvre cœur tendre, confiant et pur. Hélas, dit la varenne, comme toujours les innocents payent pour les coupables. » Mais les coupables paieront à leur tour, je le jure bien, s'écria Givry avec force. Et ce sera justice, appuya d'Aubigné. En attendant, de nobles cœurs pâtissent, poursuivit Guillaume, l'un en son cloître, l'autre en sa prison. Celui-là n'y restera pas longtemps, déclara Belcoeur. Vous savez que Hervé est enfermé au donjon et que ce bâtiment se dresse au milieu des ruines du Capitole. Il y a là des murs croulants, des terres vagues, des massifs d'arbustes et de plantes sauvages, bref, l'endroit est très propice pour y cacher des gens et des chevaux. Oui, nous l'avons visité ensemble, fit Agrippa. Il y a mieux. Depuis que nos écuyers se sont installés aux abords du donjon, Sulpice a découvert un souterrain qui aboutit sous ce donjon, ou plutôt passe sous lui et se continue plus loin encore. Par là, on peut se ménager une issue dans la prison. Il ne s'agit que de creuser la voûte. Dominique objecta. Mais il faudrait savoir où aboutirait l'ouverture ainsi pratiquée. Si nous allions déboucher, par exemple, sous une salle pleine de geôliers et de gendarmes. Scipion est prévenu de cette trouvaille de Sulpice. Il le sera ce soir, affirma Roselin. Grâce à lui, qui est dans la place, nous serons renseignés sur la disposition intérieure du donjon. Où il a trouvé moyen de se faire embaucher comme cuisinier, acheva la varenne en riant. À la nuit, les 3 gentilshommes sortirent de l'hôtellerie. Le temps menaçait. Ils gagnèrent les ruines du Capitole. L'endroit était des plus déserts à cette heure. Le collège Saint-Martial, la tour des archives, l'abordaient sur 2 faces. Les 2 autres côtés étaient limités par des maisons bourgeoises, avec des jardins pour la plupart, entre autres l'hôtel d'Ange Ferrier, médecin de Catherine de Médicis, dont on voit quelques restes aujourd'hui rue Saint-Rome. Les gentilshommes s'engagèrent dans les ruines et arrivèrent à une des portes du Capitole, restée debout. Un homme surgit de la muraille et s'avança vers eux. « Je vous ai reconnu de loin, messire, » dit-il bas. « Rien de nouveau, Babylas ?» demanda Guillaume. « Rien, maître, Scipion n'est pas encore arrivé. Et Sulpice ?»« Il inspecte le souterrain avec la guibole et Franc Astor. » « Tout le monde est à son poste ?» questionna Belcoeur. « Tout le monde, monsieur le baron. »« Alors attendons Scipion. » Les 3 amis s'assirent sur des pierres de taille. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Un coassement retentit sur la droite. Babylas y répondit. Puis il se mit à compter jusqu'à 25 et le coassement de nouveau s'éleva. Babylas compta encore 25 et coassa à son tour. On perçut alors un bruit de feuillage remué. Bientôt une ombre parut. « Bonsoir, messieurs, » fit la voix de Scipion. « Viens là, mon ami, » dit Agrippa. « Babylas va te conduire auprès de Sulpice, qui te fera voir du nouveau. Quant à toi, demain soir, apporte-nous le plan du donjon, du rez-de-chaussée surtout. « Bien, messire. »« Comment va le chevalier de Pont-Réal ?» demanda Roselin. « Je n'ai pas encore pu le voir. Je n'ose me risquer vers les cellules. Mais j'ai appris par les geôliers qu'il est toujours très affaissé et ne prend aucune nourriture. « Parbleu, » grommela Belcoeur, « il pense que le chagrin ne le tuerait pas assez vite. Il veut mourir de faim. »« Il est temps d'agir, » murmura Agrippa. Et Givry déclara gravement « Après-demain. » Ses amis n'insistèrent pas, sachant ce que valait une promesse de cet homme. Le surlendemain soir, vers 10 heures, dans une salle basse du donjon, 5 personnes se trouvaient réunies. La pièce, enfumée par les chandelles qui charbonnaient, se meublait d'une longue et grosse table de bois et de quelques bancs. 4 geôliers étaient là, leurs trousses aux porte-clés pendues à la ceinture. Ils se livraient à une passionnante partie de cartes. Assis sur la table, les jambes sur un banc, un homme suivait les péripéties du jeu de l'ombre. Il avait sur la tête un bonnet blanc de cuisinier et portait une longue souquenille, blanche aussi. Un grand feu de bois brûlait dans une haute cheminée, dont les étincelles jaillissaient sur le sol fait de terre battue. 45, jeta joyeusement un des joueurs. Et 30 font 75. Vous êtes en mauvaise posture, les amis. Quelle chance, Nicolas, grommela un des partenaires. Bon, la partie n'est pas finie, s'écria un autre. Les cartes distribuées, les joueurs redevinrent muets, attentifs à leur jeu. Cependant, le cuisinier avait une attitude assez singulière pour quelqu'un qui l'eût observé soigneusement. Tout en feignant de s'intéresser vivement à la partie, il jetait fréquemment les yeux à la dérobée vers une porte percée dans la muraille en face de lui. Cette porte était close d'ailleurs et semblait conduire à quelques pièces semblables à la salle. À d'autres moments, le cuisinier semblait prêter l'oreille de ce côté, mais ce manège était si rapide que les joueuses ne le remarquaient pas. La grosse horloge du donjon sonna une demie. « 20 !» s'écria un joueur. « Et 25 font 45. Tiens-toi bien, Nicolas !»« Et la chance tourne !» grommela l'autre. « Dépêchons, Martin, il est tard !» fit un troisième. « Bon, tu es toujours pressé, mon pauvre Dieudonné. Tu n'as cependant plus rien à faire à cette heure-ci, ta ronde n'est qu'à minuit. N'empêche !» répondit Dieudonné. « Le chef n'aime pas que l'on reste trop longtemps à veiller. » À cette heure, fit en riant un autre, le chef dort sûrement aux côtés de la belle Madelon, son épouse. Probable, s'exclama Nicolas, qu'à sa place tu ne dormirais pas. Tout le monde rit, même le cuisinier. Allons, fit Dieudonné, ramassez vos cartes et continuons. À ce moment, le cuisinier tressaillit. Il venait de percevoir un léger bruit derrière la porte qu'il observait avec tant d'attention. On eût dit un grattement de bête dans la terre. Peu après, le même bruit se renouvela. Absorbés, les joueurs n'entendaient rien. Pendant plusieurs minutes et à des intervalles inégaux, ce grattement se répéta. Et à chaque fois, le cuisinier, tout sautant, avait eu un mouvement d'effroi et regardait bien vite les joueurs. Soudain, le bruit se fit plus fort. Un des gardiens tourna la tête vers la porte. « À toi, Martin !» fit un des partenaires. Et Martin, en jouant, murmura. « Il faudra penser à mettre le chat à côté demain soir, sinon ces maudits rats envahiront le magasin. » Le bruit ne se renouvela plus, mais le cuisinier, maintenant, ne quittait presque plus la porte des yeux. Ses regards se fixaient surtout sur le loquet. Et tout à coup, il vit la flèche se lever doucement, lentement, et bientôt, le battant de la porte tourna insensiblement sur ses gonds et demeura entrebâillé. Alors, le cuisinier porta une de ses mains sous sa souquenille et parut chercher quelque chose à sa ceinture. Sa main ne réapparut plus. Quelques instants s'écoulèrent. Brusquement, la porte du magasin vira d'un seul coup et des hommes firent irruption dans la salle, l'épée à la main. Les geôliers, stupéfaits, se virent entourés et hors d'état de bouger avant d'avoir compris ce qui se passait. 10 compagnons étaient là, les étreignant solidement, tandis que des bâillons les étouffaient. Le cuisinier seul était libre. « Pas un seul mouvement !» ordonna un des survenants. « Où vous êtes mort ? Allons, garrottez-moi solidement ces gaillards-là » « Oui, monsieur le baron. » Et déployant les cordes qu'ils tenaient à la main, ils ligotèrent soigneusement les 4 partenaires, puis assurèrent les bâillons et se saisirent des trousseaux de clés. « Voilà qui est fait !» dit quelqu'un que l'on eût reconnu à sa voix pour la barène. Ensuite, s'adressant au geôlier, « Il ne vous sera fait aucun mal. Ne craignez rien. Seulement, mes agneaux, aucune tentative pour vous dégager de vos liens. Sinon, vos peaux connaîtraient certaines boutonnières. Y sommes-nous, Roselin ?» « Oui, fit Belcoeur, Scipion va nous conduire à la cellule d'Hervé. »« Par ici, monsieur, dit le cuisinier. » Et il s'engagea dans un couloir, suivi des gentilshommes. Ce couloir, très court, menait à une sorte de pièce ronde où un escalier s'élevait. « Deuxième étage, prononça Scipion, cellule 18, c'est tout ce que je sais, c'est suffisant. » Tous s'engagèrent dans l'escalier. Au second étage, ils regardèrent les numéros peints en noir sur les portes grises, massives. « 18, compta la varenne, c'est ici. Les clés ? Demanda Belcoeur, voici. Le capitaine fouilla dans le trousseau, trouva la clé du 18, l'entra dans la serrure et ouvrit avec hâte. Sitôt la porte poussée, il se précipita dans la cellule. « Hervé ! Cria-t-il. « Hervé ! Oh ! Fit une voix troublée. « Vous ? Vous, Givry ? Oui, moi, tu es libre, tu es sauvé, viens !» Scipion avait battu le briquet, allumé une chandelle qu'il avait apportée. La cellule s'éclaira. Alors, les gentilshommes purent apercevoir le prisonnier. Il était étendu sur une couche de paille, amaigri, pâle, les yeux cernés, les traits changés. « Hervé !» s'exclamèrent la varenne et Agrippa. « Nous voici enfin !»« Ah, mon ami, comme nous attendions 7 minutes !»« Merci !» murmura Hervé. « Pourquoi ne m'avoir pas laissé mourir ici d'inanition et de douleur ?»« Non !» fit Roselin avec force. « Tu vivras, il le faut, et nous te sauverons malgré toi, nous te guérirons !» Un triste sourire plissa les lèvres de Pont-Réal. « Viens, viens vite !» reprit Belcoeur. Et se baissant, il souleva Hervé, l'aida à se mettre debout, le soutint, l'amenant vers la porte. « À quoi bon ?» fit encore Hervé. « Tais-toi, pressons-nous. Chaque seconde qui passe nous met en péril. » À ces mots, Hervé parut réagir. Il ne voulait pas que ses amis pussent courir un danger. Rassemblant son énergie, il hâta le pas malgré sa faiblesse. Tous redescendirent les degrés, revinrent à la salle où les geôliers, ligotés et bâillonnés, les virent passer avec des regards d'effroi. Roselin conduisit Hervé dans le magasin. Un trou béant s'ouvrait dans un des angles de cette pièce entre un coffre et une armoire. La chandelle de Scipion dénonça l'excavation. « Attends, Hervé, dit Givry, je vais descendre le premier, tu me suivras. » Il se laissa tomber dans le trou et d'en bas, sa voix monta. « À toi !» Hervé obéit. Belcoeur, dans le souterrain, le reçut entre ses bras. « Maintenant, dit-il, suis Sulpice qui est là. Je te rejoins avec nos amis. Bas !» Pont-Réal sentit une main saisir la sienne et se demandant s'il rêvait, il se laissa conduire. Bientôt, tous arrivèrent au lieu où les chevaux attendaient. Toute la troupe, enfourchant les montures, piqua des deux dans la nuit. Hors des remparts, le galop continua jusqu'à un petit bois sur le bord de la route. Là, on s'arrêta. « Mes amis, déclara Belcoeur, l'essentiel est fait. Il ne s'agit plus à présent que de prendre quelques mesures de précaution. Hervé doit se cacher. Je vais le conduire à la petite maison que nous avons louée pour lui. Sulpice et Scipion nous accompagneront car ce brave garçon ne doit pas se montrer non plus. Vous, d'Aubigny et toi, la varenne, regagnez l'hôtellerie avec nos gens. Bonsoir, à demain. » Et Roselin, pendant que la troupe se séparait, dit à Pont-Réal, « Par ici, mon ami. » Hervé, docilement, poussa son cheval derrière Roselin. Les écuyers suivirent à distance. « Hé, Scipion !» fit joyeusement Sulpice. « Tu fais une mine d'enterrement, mon bel ami, à quoi penses-tu »« Je pense, » répondit l'autre avec un sourire, « que je ne saurais jamais si Nicolas aurait gagné la partie. » Et Sulpice, ahuri, se demanda si l'écuyer d'Agrippa n'était pas devenu fou.